un jour les hommes rêveront d'un monde où le meilleur prendra le dessus sur la terre. Ce mystère si fragile à la fois. Crois-tu qu'une nuit nous penserons à dormir, où les rêves ne seront que merveilles? Ce mystère si fragile à la fois. Tu pensais qu'à une autre planète, mais ce n'était plus la Terre, qui tournait sans rien faire, sans rien faire. Espace vert, envahi par le fer, par le fer. Par le fer, par le fer.